Deuxième partie. Les sentiers. Chapitre 19. Coruscant, place des monuments. La paume de la main de Linasso reposait sur la surface rugueuse du Meït, le plus haut pic de la chaîne de Manaray. Le sommet de la montagne se dressait à quelques 20 mètres au-dessus de sa tête, tandis que son pied se trouvait à 5216 étages plus bas, à la surface même de cette cité-monde qu'était Coruscant. Il s'agissait du dernier site de la planète où l'on pouvait encore distinguer sa topographie d'origine. Aux environs, la silhouette de la montagne avait été incorporée à la ville et s'était transformée en ruche pleine de tunnels, de passages et de salles couvertes de duracier et de permabéton que l'on distinguait à peine des autres zones de la planète. Mais ici, un vestige de la nature demeurait encore. Des habitants de toute la République venaient à la place des monuments pour contempler Humeït, et beaucoup faisaient le même geste que Linasso. Ils en effleuraient la surface et se ressourçaient un moment. Un cercle plus sombre à la base du pic témoignait du contact d'innombrables mains au fil des générations. Tous ces esprits, toutes ces consciences, toutes ces perspectives variées. Humeït revêtait des significations différentes pour tous ces gens. L'endurance, le caractère imperturbable de la nature malgré la volonté des êtres doués de conscience de remodeler la galaxie, ou parfois la simple fraîcheur d'un lieu naturel sur un monde artificiel. Pour Linasso, chancelière de la Grande République qui s'efforçait d'apporter la lumière aux nombreux mondes de la galaxie en les reliant les uns aux autres dans une union éclairée où tout devenait possible, Humeït signifiait le choix. Les urbanistes de la cité-monde auraient pu raser la montagne à n'importe quel moment durant des millénaires d'histoire, mais génération après génération, ils s'en étaient abstenus. Ils avaient pris de façon répétée la même décision, fait ce choix qui consistait à préserver ce lieu entre tous, cette spécificité entre toutes. Nombre de systèmes politiques s'étaient appropriés Coruscant en leur temps, des empires brutaux jusqu'aux démocraties les plus pures. Mais tous avaient choisi de conserver Humeït telle qu'elle, la place des monuments s'élevant au fil des siècles, tandis que l'on ajoutait de nouveaux niveaux à la surface de la ville. Le progrès était inévitable et crucial, mais il n'était pas le seul but à atteindre. La conscience comptait également. Le choix. La chancelière Sceau recula. Elle se détourna de la montagne. Matari et Vorou levèrent leurs têtes énormes et se dirigèrent vers elle. Les grandes et magnifiques bêtes avaient senti son humeur et savaient qu'elle était prête à partir. Les deux targons jumeaux, le mâle roux et la femelle jaune, tous deux plus grands qu'elle, avec leur pelage épais et leurs oreilles touffues, prirent leur place habituelle à ses côtés, lui emboîtant le pas tandis qu'elle s'éloignait du Meït. Les félins géants la suivaient partout et lui tenaient lieu de garde du corps, de compagnon, voire de comité de réflexion. Elle leur parlait souvent à voix haute lorsqu'elle examinait ses idées ou ses plans. Les créatures ne comprenaient pas les mots, mais les targons possédaient de modestes dons d'empathie, aussi curieux que cela puisse paraître pour une espèce de prédateur. Matari et Vorou ne déchiffraient pas le sens, certes, mais ils la comprenaient. Et surtout, il lui manifestait une fidélité absolue. Lina travaillait dans la politique. Elle appréciait la loyauté plus que toute autre qualité. On avait transformé la surface du niveau 5216 qui entourait le pic du Meït en espace vert, en faisant l'effort de reproduire les plantes et les arbres qui auraient été visibles au pied de la montagne d'innombrables millénaires plus tôt, lorsque le sol en était encore accessible. Nul n'aurait pu confirmer l'authenticité des choix des paysagistes, mais la vue était charmante. D'ordinaire, les touristes grouillaient sur la place des monuments, attendant que vienne leur tour de toucher Humeït dans une longue file qui s'étendait presque jusqu'au parc de la colline du Sénat. Mais pour le moment, l'endroit était désert. Les forces de sécurité de Coruscant s'en étaient assurées. Lina aurait pu organiser cette réunion dans son bureau, voire n'importe où sur la planète, à vrai dire. Mais elle appréciait ce lieu. C'était ici qu'elle ressentait le mieux son lien avec le reste de la République. ce qui exaspérait ses équipes de sécurité, parce qu'elles devenaient théoriquement vulnérables aux attentats aériens en s'exposant à ciel ouvert, même si elles pensaient Matari et Vorou capables de mettre un speeder à terre en cas d'urgence. Lina ne craignait aucun attentat, qu'il soit aérien ou autre. C'était le cœur du noyau, et la République vivait une ère de paix si l'on faisait abstraction des occasionnelles querelles régionales. Elle n'avait pas davantage à s'inquiéter de sa sécurité sur la place des monuments que dans son propre lit. Espérons que ce soit toujours vrai, songea-t-elle cependant en repensant à ce qui était arrivé au Legacy Run et à tout ce que cela impliquait. Norel Kuo, son principal assistant, un courivard sans pigments, ce qui n'était guère courant parmi les siens, l'attendait à une distance respectueuse. « Vous êtes prête, chancelière ?»« Je le suis, Norel. J'espère que je n'ai dérangé personne en profitant de ce moment. Je ne viens pas assez souvent, et compte tenu de la conversation qui nous attend, je me suis dit que je ferais bien de me ressourcer. »« Vous êtes la chancelière de la République. » déclara Norel en calquant sa démarche sur la sienne, tandis qu'il s'éloignait de la montagne pour s'enfoncer dans le parc, les gardes de la République en livrée bleue adoptant une formation de protection autour d'eux. Ils patienteront. Le sentier contournait un bosquet de bilians dont les flûtiges sifflaient dans la brise vespérale et conduisait à une petite clairière. Là, les interlocuteurs de Sceaux l'attendaient. Un groupe qui comptait certains des individus les plus puissants de la planète et donc de toute la République. 4 Jedi. Le Kermien Yara El Pouf et la Togruta Jora Mali, tous deux membres de leur conseil. Le second de Mali, l'imposant Jedi Trandoshan Skir, et maître Avar Kriss qui était intervenu directement pour résoudre la catastrophe du Legacy Run au sein du système Hetzal. Le sénateur Izzet Nour de Sereno, porte-parole de la majorité des territoires de la bordure extérieure, Jeffo Lorilia, son secrétaire des transports, et pour finir, l'amiral Pevel Kronara de la Coalition Défensive de la République, l'organisation financée par les ressources communes de plusieurs mondes pour s'occuper des rares échauffourées régionales que les forces planétaires ne parvenaient pas à juguler seules. Kronara ne dirigeait pas la CDR, mais c'était un membre de haut rang qui connaissait directement le sujet abordé. Quelques membres des forces de sécurité de Coruscant s'étaient discrètement postés à l'orée de la clairière, et un droïde serviteur cuivré et lustré se tenait à proximité, prêt à apporter toute l'aide requise en cas de besoin. Les 7 personnes présentes bavardaient entre elles, mais se turent lorsque Lina s'approcha. Elle se dirigea vers Avar Kriss en souriant. Tendant les bras, elle prit la main de la Jedi dans les siennes, la serra et la regarda droit dans les yeux. Avar paraissait fatigué, mais cela n'avait rien d'étonnant compte tenu de l'épreuve qu'elle venait de subir. Maître Kriss, au nom de toute la République, je vous prie d'accepter ma gratitude pour tout ce que vous avez fait dans le système Hetzal. Vous et les autres Jedi avez sauvé des milliards de vies. Sans même parler du fait que vous avez aidé à préserver la production de nourriture pour toute la bordure extérieure. « Nous sommes tous la République, Madame la Chancelière, » répondit Kriss en souriant elle aussi. « Nous avons fait ce que nous pouvions. » C'est un exemple inspirant et symbolique de tout ce à quoi j'aspire pour la République. Nous nous entraidons, et ainsi nous grandissons et prospérons ensemble. Lina lâcha la main de la Jedi en la gratifiant d'un autre sourire. Elle se tourna ensuite vers le reste du groupe. J'ai décidé d'étendre la restriction de voyage hyperspatial à 500 parsecs supplémentaires autour de Hetzal jusqu'à ce que nous soyons plus amplement informés. Le sénateur Nour émit un sifflement bas. C'était un grand homme mince, âgé mais vigoureux, chauve à l'exception d'une frange fournie de cheveux blancs qu'il portait longue et laissait retomber par-dessus le col de sa robe vert vif. « Voilà qui va étrangler cette zone de la bordure extérieure, chancelière. Avez-vous une idée du volume de trafic qui circule sur ces voies? Commerce, transport, expédition ?»« Je ne parle pas d'une fermeture définitive, sénateur. Mais ces émergences continuent de se produire. Combien y en a-t-il eu jusqu'ici ?» L'amiral Kronara fit signe au droïde serviteur qui projeta dans les airs un plan à plat de la bordure extérieure. La carte se centrait sur Hetzal, représentée en rouge. Un certain nombre d'autres systèmes arboraient la même couleur, formant un cercle très irrégulier autour du site de la catastrophe d'origine. Un anneau rouge bordait l'ensemble, les limites actuelles de la fermeture des voies hyperspatiales. 15 au dernier recensement, chancelière, répondit l'amiral Cronara. Nous en avons peut-être manqué quelques-unes, car naturellement tous les fragments du Legacy Run ne percutent pas une planète. Nous supposons que les autres morceaux émergent de l'hyperespace sans qu'on les détecte. Et nous n'avons toujours pas la moindre idée de ce qui a provoqué tout ceci. Pas encore, répondit le secrétaire Lorillia en basique, mais avec un fort accent. Mes analystes n'ont jamais rien vu de tel, mais nous nous penchons sur ce problème. En théorie, reprit Lina, il serait donc possible que n'importe quel vaisseau voyageant dans l'hyperespace soit détruit de la même façon. Le secrétaire des transports acquiesça gêné. C'était un Moon pragmatique qui détestait l'incertitude dans tous les domaines. Son but, l'objectif même du bureau qu'il dirigeait à l'échelle de la galaxie, consistait à s'assurer que les spatioports continuent de bourdonner d'activité, que les cargos circulent et que les transports de passagers partent et arrivent aux horaires prévus. Un problème affectant l'hyperespace, ce système à peine compréhensible qui permettait à la République tout entière d'exister, eh bien, Lina se dit qu'il s'agissait sans doute du pire cauchemar de ce pauvre Jeffo. C'est à cause de ce risque que j'ai fermé les voies et qu'elles demeureront closes jusqu'à ce que nous en sachions davantage, déclara-t-elle. Les lèvres de Lorillia tressaillirent et, joignant les mains, il pressa lentement les extrémités de ses longs doigts fins à deux reprises. Lina lui tapota l'épaule pour le rassurer. Tout va bien se passer, Jeffo. Je comprends bien que la situation complique grandement votre travail, mais je vous fournirai tout le soutien possible. Vous comprenez, je l'espère, pourquoi tout ceci est nécessaire. Les émergences sont déjà bien assez néfastes. Nous ne pouvons laisser un autre vaisseau se faire réduire en miettes comme le Legacy Run. Elle désigna Cronara et Avar Kriss. La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas de Jedi et de héros de la République à proximité pour nous sauver la mise. Le secrétaire Lorillia hocha sèchement la tête et se reprit. « Naturellement, chancelière, vous pouvez compter sur moi. Je m'en arrangerai. » Lina prit le temps de passer en revue les rapports qu'elle avait reçus, puis elle se tourna vers les membres du conseil Jedi qui écoutaient attentivement sans rien dire. « Et de votre côté, rien de neuf ?»« Nous pouvons affirmer que ces événements ne semblent pas résulter d'une action directe de la part d'utilisateurs de la Force. » répondit Yaraël Pouf, le Kermien, dont la tête oscillait d'avant en arrière sur son long cou comme une fleur sous la brise. Nous ne sommes pas omniscients, mais pour le moment, nous n'avons aucune preuve allant dans ce sens. J'étais dans le système Hetzal, ajouta Jorah Mali, une petite femme portant la tunique blanche et dorée du temple Jedi. Visiblement frustrée, elle tapotait du doigt l'un des splendides appendices occipitaux rayés qui retombaient sur sa poitrine. Les Togruta avaient fière allure avec leurs montrales recourbées qui les couronnaient, et leur lécou qui formait presque une tunique naturelle. Même leur couleur contribuait à cette apparence royale. La peau orange vif et les saisissants motifs faciaux blancs évoquaient un bal masqué. Lina savait qu'il tenait simplement ses traits de l'évolution naturelle, en tant que camouflage contre les prédateurs. Mais l'ensemble conférait aux Togruta une certaine autorité innée auprès de la plupart des êtres doués de conscience de la galaxie. Jorah Mali en exploitait tout le potentiel, consciemment ou non. Lina ne s'était entretenue que très rarement avec elle par le passé. Mais elle avait perçu chez elle une pointe d'impatience qui ne correspondait pas vraiment à l'idéal Jedi. Jorah Mali aimait bousculer les problèmes jusqu'à ce que les solutions se révèlent, et se livrait à diverses tentatives jusqu'à ce que l'une d'entre elles fonctionne, plutôt que d'envisager tous les angles avant d'entreprendre une action décisive. En un mot, elle préférait rester occupée. Ce qui expliquait sans doute de l'avis de Lina pourquoi le Conseil Jedi lui avait confié la gestion de la section de l'Ordre à bord du flambeau stellaire dans la bordure extérieure. La station serait la première à réagir aux problèmes relevant de la compétence de la République ou des Jedi dans cette immense région de l'espace. Mali disposerait d'une autorité semblable à celle d'un amiral de la CDR ou d'un administrateur territorial de la République, toutes les décisions dépendant d'un vote majoritaire. Un enchaînement infini de problèmes à résoudre, des négociations et des ajustements sans fin, mille choses à faire à la fois, c'était l'affectation idéale pour elle. Skeer et moi sommes arrivés après la tragédie du Legacy Run, poursuivit Jorah Mali. Mais si la Force avait servi à la provoquer, je crois que nous l'aurions senti, les autres Jedi du système ou moi-même. Maître Kriss en particulier était lié à la Force presque dès le début des événements. Skeer acquiesça d'un sifflement. Le sénateur Noor s'avança vers Lina et fit irruption dans son champ visuel. Devant cette attitude vaguement agressive, Matari et Voru plaquèrent les oreilles contre leur tête. Le sénateur ne parut pas le remarquer. L'idée que de simples animaux puissent s'en prendre à sa personne ne l'avait même pas effleurée. « Chancelière, je dois réitérer ma question. Combien de temps comptez-vous maintenir les hypervoies fermées? Tous les mondes de la bordure extérieure ne sont pas autonomes. » Des milliards de citoyens dépendent de ces voies de communication pour recevoir leur nourriture et autres denrées essentielles. Je ne vais bien évidemment pas affamer le peuple sénateur, répondit Lina un peu exaspérée. J'ai déjà une crise sur les bras, inutile d'en déclencher une autre en essayant de la résoudre. Je souhaite simplement réduire le risque de catastrophe, au moins jusqu'à ce que nous comprenions à quoi nous avons affaire. Au besoin, j'autoriserai l'expédition limitée de produits de première nécessité. Elle se retourna vers Kronara. Je vous demande de faire respecter l'interdiction, amiral. Pouvez-vous vous coordonner avec les autres commandants de la CDR pour poster des croiseurs aux relais hyperspatiaux appropriés? Je ne voudrais pas que quiconque réactive des sections du réseau de navigation. Ce ne sont pas des mises à jour navigationnelles qui empêcheront ces voies d'être empruntées. Il s'agira d'une mobilisation plus vaste que tout ce que nous avons pu faire jusqu'ici, Madame la Chancelière. Mais oui, certainement. Je vous remercie. Lina fit deux pas en avant jusqu'à se retrouver devant la carte des territoires de la bordure extérieure qui flottait dans les airs. Nous voulons tous en finir aussitôt que possible. En plus d'éviter des victimes et des dégâts supplémentaires, vous savez que j'ai des plans pour cette région de la galaxie. La station du flambeau stellaire affirmera la présence de la République, lui donnera davantage de substance qu'un lointain concept ne faisant que de brèves apparitions dans la bordure extérieure lorsque nos vaisseaux la traversent sans s'y arrêter ou viennent y collecter les impôts. Nous serons là, avec eux, pour les aider, de Bunduki à Bastion. La chancelière Sau passa l'index dans la carte et un point lumineux comme une étoile apparut. Plus ou moins au centre de la zone désormais interdite en raison de la catastrophe hyperspatiale en cours. Le flambeau stellaire. Enfin achevé après une construction laborieuse et difficile, l'immense relais a été bâti pour tenir plusieurs rôles. Celui d'ambassade de la République, capable de se transformer en forteresse si nécessaire, de référence locale sécuritaire, afin de décourager les pillards et les maraudeurs, d'avant-poste contenant le plus grand contingent Jedi en dehors du temple de Coruscant lui-même et où il pourrait se livrer à des recherches, enseigner et écouter les conseils de la Force, d'espace culturel mettant en valeur la beauté des nombreux mondes qui composaient le secteur, de relais de communication divisant par 10 les temps de transmission dans la région et de complexe médical le plus avancé de la bordure extérieure. En ce moment même, les survivants des catastrophes de Hetzal et d'Abdalis recevaient des soins sur le flambeau alors que la station n'était même pas encore officiellement ouverte. La chancelière Sau avait pour ambition toute une série de grandes œuvres, qu'il s'agisse d'infrastructures ou d'actions culturelles. La foire de la République, la construction en cours de relais de communication dans toute la galaxie, le mystère de la culture du Bacta qu'il fallait élucider, la négociation de nouveaux traités entre Quaren et Mon Calamari, toutes sortes d'innovations technologiques et autres. Mais c'était grâce aux flambeaux stellaires et aux autres stations qui formeraient le réseau des flambeaux qu'on se souviendrait d'elle. la plus grande de ces grandes œuvres qui ferait déborder la République du noyau et la transformerait en une véritable entité galactique. L'opération coûtait affreusement cher, cela dit, aussi bien en crédit qu'en capital politique. Même à une époque de paix éclairée où le commerce florissait et où les coffres demeuraient assez pleins, certains auraient préféré conserver le statu quo. Leur point de vue, tout allait pour le mieux en ce moment, certes, mais le vent pouvait toujours tourner. Alors pourquoi dépenser des crédits dont on risquait d'avoir besoin en cas de souci? Dans une république immense, obtenir un consensus absolu n'était pas possible. Trois personnes confrontées au même problème pouvaient aboutir à trois solutions radicalement différentes. En multipliant cette configuration par quelques trillions, on avait une vague idée de ce que représentait de diriger un gouvernement galactique. Mais Lina avait fait aboutir le projet, non pas en faisant des promesses qu'elle n'avait pas l'intention de tenir, ni en menaçant, ni même en abusant des pouvoirs liés à son poste. Elle avait simplement fait de son mieux pour montrer au monde de la République ce qu'il pouvait devenir s'il se rassemblait. Pour leur montrer tout ce qui pouvait s'améliorer, pour leur montrer combien ce moment était unique dans l'histoire. Leur faire comprendre qu'ils devaient le saisir, aller de l'avant et, dans l'idéal, le prolonger afin que les nombreuses générations à venir connaissent la paix et la prospérité dont eux-mêmes jouissaient. Le flambeau stellaire symbolisait tous ses espoirs pour la République, et tous les membres du Sénat le savaient. Le succès de la station faciliterait tout le reste. Mais en cas d'échec... « Je ne mettrai pas de vie en péril, » dit la chancelière. « Mais vous savez tous combien il est important, pour de nombreuses raisons, que la cérémonie d'inauguration du flambeau stellaire se déroule telle que prévue à l'origine. » Jorah Mali prit la parole sur un ton plus modéré. Elle disposait d'informations adéquates pour éclairer cette problématique. « Je reviens tout juste du flambeau. Il est terminé, même s'il faut sans doute le lustrer et le nettoyer un peu. Un léger retard ne devrait pas énormément influencer l'emploi du temps. » Elle désigna Avar. Maître Chris s'y trouvait récemment, elle aussi, juste avant la catastrophe du Legacy Run, pour la tournée d'inspection des quartiers Jedi. Qu'en avez-vous pensé ? « Comme vous le disiez, maître Mali, » répondit Avar, « je ne suis pas experte. Mais l'administratrice Tenem a explicitement déclaré que le flambeau stellaire pouvait accueillir sa cérémonie d'inauguration comme prévu. Sans le blocus, les finitions seraient achevées d'ici quelques semaines. Et l'administratrice ne semble pas du genre à exagérer. « Fort bien, alors, » dit Lina. « Penchons-nous sur le sujet. J'ai des questions. » Elle leva la main et commença à compter sur ses doigts, un par un. « Combien de fragments du Legacy Run restent-ils ? Certains contiennent-ils des survivants, et si oui, existe-t-il une chance de les secourir ? Ce sont tous des citoyens de la République. S'il y a le moindre espoir, nous devons essayer. Existe-t-il un moyen de prévoir où les émergences à venir vont se produire ? Et plus important encore, elle serra le poing. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi? L'hyperespace est-il sûr désormais, ou s'agissait-il simplement du début? Personne ne répondit. Il savait bien que spéculer ne servait à rien. Je vous demande à tous de le découvrir. Vous représentez les administrateurs, les politiciens, les forces de sécurité, et bien sûr les Jedi. Certains d'entre vous étaient présents sur le site de l'accident du Legacy Run. À vous tous, vous devriez rassembler assez de compétences et de contacts pour comprendre ce qui s'est passé et empêcher que cela se reproduise. Les ressources de la République et toute l'autorité de mon poste sont à votre disposition. Formez les équipes que vous voudrez. Recrutez tous ceux qui vous paraîtront utiles. Le flambeau stellaire doit être inauguré dans 30 jours. Je souhaite profiter de l'occasion pour fêter le triomphe de la République sur l'adversité, mais je ne veux pas ouvrir cette station tant qu'une immense portion de la galaxie reste confinée, ce qui voudrait dire que la République est incapable de protéger ses citoyens. Que l'inauguration du flambeau vous serve de date limite. Trouvez la clé du mystère, mes amis. Je suis persuadé que vous en êtes capables. La chancelière Sot tendit les bras de part et d'autre, puis plongea les mains dans la fourrure de Matari et de Voru, réconfortée par leur présence et leur chaleur. Elle porta le regard au-dessus des arbres en direction du pic du Mate, à 20 mètres au-dessus. Autrefois, la montagne devait dominer cette zone de la planète régnant sur la chaîne de Manaraï. À présent, ce n'était plus qu'un petit affleurement rocheux pointant au-dessus de la surface d'un monde qui avait englouti les sommets, et elle semblait minuscule. Mais Humeit demeurait, produit de ce choix qu'avaient pris les générations successives pour préserver le relief, fût-ce sous cette forme amoindrie. L'Inasso appréciait cette attention, cette façon qu'avaient les sociétés de privilégier l'héritage par rapport au progrès, et que la pierre vivante incarnait. Mais pour la chancelière, Humeit avait également une autre signification. Une symbolique qu'elle n'exprimerait jamais, dont elle ne parlerait jamais à voix haute, car elle allait à l'encontre de l'optimisme, de l'espoir et du potentiel sur lesquels s'appuyait son gouvernement et la République elle-même. Et ce sens était le suivant. Il n'existait rien de si grand que l'on ne puisse l'engloutir. Rien de si fort qu'on ne puisse le ramener à la modestie. Rien de si grand que l'on ne puisse l'amoindrir. Même pas une montagne. Même pas la République. Je ne suis guère coutumière des déclarations alarmistes, poursuivit la chancelière sans quitter des yeux le sommet d'Humeit. Mais si la situation continue à s'aggraver et que nous perdons la capacité de voyager en hyperespace, tout ceci sera terminé. Il n'y aura plus de République. Son regard glissa du pic vers le ciel nocturne. Coruscant, cité monde, émettait de la lumière à toute heure et empêchait de distinguer beaucoup d'étoiles, même au beau milieu de la nuit. On n'apercevait que quelques points lumineux qui brillaient faiblement au milieu d'immenses étendues de néant. Juste des mondes épars, isolés dans l'obscurité.